Il Bon, fait. allez. Alors, sinon. Envoie une musique douce, là. Un genre de petit slow, tiens. Non, mais quelque chose comme ça, écoute. Ah ouais, du piano. Non, pas de piano. J'aime pas le piano. J'aime pas le piano. Non, mais c'est Gérard qui décide. J'aime pas le piano. Bon, alors commence et je vais mettre la musique après. Non, tu t'envoies la musique, après je continue. Ouais, dis donc. Oh, ouais, Bon, le festival continue, hein. Gérard, sur Fun Radio. Connexion avec le foyer. Bonsoir à tous, c'est le débat. De toute façon, ça va être tourette ce soir, je vous le dis, moi j'ai trop attendu. Eh ben, plus t'attends, plus c'est bon, d'accord? C'est comme si tu faisais l'amour, ok? C'est clair. En de bon entendeur, tu commences pas. Oui, bonsoir, c'est Rachmaninoff. Ouais. Salut ma carcasse, comment tu vas? Skiffarmette, bonsoir. Ouais. Mais elle est folle celle-là, mais elle avait un coup de tête, laisse tomber. Skiffarmette, skiffe les bouffons. Bonsoir, c'est le fouetteur masqué. Alors, je te suce bien la bite au début, après je t'insulte. Hey. Bonjour, c'est Poussin Michel. On va m'accueillir, Gégé. Qui? J'aime bien quand tu m'accueilles, c'est Roger la merde. Non, c'est Jean-Pierre Bombin. Non, c'est Roger la merde, j'appelle de l'Everkusek, sans cesse ainsi. Je vous préviens que je ne ferai pas de cadeau ce soir. D'accord? En de bon entendeur, salut. Voilà, déjà un coup de poing qui est parti. Et n'oubliez pas que... Alors celui qui commence à faire coin-coin, il va aller voir si sa mère, elle va se faire sodomiser. Ça va être clair, net et précis. Question. Des messieurs. Comment appelle-t-on... Alors, quelle est la devise en Australie? Ok. Ah, tu peux appeler à l'orphelinat si tu veux vérifier la question. Mettez des auditeurs, c'est pas bien. Là, ça va aller vite. Gérard. Ça va aller très vite. Le mec qui a dit ça, il a intérêt de raccrocher tout de suite. Raccroche, celui qui a fait ça. Va-t'en. Si tu raccroches, tu mourras comme ta mère. N'importe quoi. Putain. Enfin, bref. T'as été gentil tout seul. Je préviens tout de suite la Réa. Que si... J'entends un bruit en disant « Ouais, Mister Cousine !» Question de Monsieur Cousin. Ta gueule, Monsieur Mazur, je t'ai pas sonné. Question de Monsieur Bâtard. Ah, sans coup de caille, là, tu t'écrases. Oh non, et s'il est sans coup de caille, tu t'écrases. Ah, oui, je t'écrase dans ton cul. Bon, alors tu déjà... Gérard, il y a un de mes collègues qui te passe le bonjour, là, Hernan Crépu. Tiens, c'est bizarre. Gérard, t'as un petit truc qui court dans ta tête. Il y a beaucoup de gens qui demandent des excuses par rapport à ce que t'as dit tout à l'heure contre le Sénégal. T'as rien sur le net alors. Nom d'une fellation. Mais c'est quoi cette ventilation là? Parce que tu peux. C'est ton haleine qui rebute sur le micro, Gérard. Eh, je préviens d'une chose. Il se lavait pas. Voilà, ça commence. Bon, Gérard, vas-y, mais si tu fais des... Non, mais c'est vrai, Gérard, que tu sens le bookmaker. Bon, écrase-toi. Des montagnes, hein, quand même. Michel. Final question. Are you ready? Bon, tu vas poser tes questions, là. Pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Attends, je vais poser cette question, là. Troisième du nom. Quoi? Qui a fait cette question? C'est moi, ça, j'essaie. Ah, qui c'est? Attendez, qui c'est qui est pas content des nanas? Ah oui, je trouve génial pour ça. J'ai envie de câlin. Putain, mais c'est grave. Mais putain, mais quand est-ce que je vais arriver à faire un débat sans que j'aille de connard, de bruit de fond, tout ça? Je me le demande. Attends, des dents. Le principal, c'est que tu ris de toute ta dent. Pauvre cab. Il a arrêté les coups avec ses chicots. Avec son chicot. Je me demande si on va aller loin au débat. Oui, c'est que t'as pas pu, voilà. Bon, conclusion du débat. Non, conclusion. Parce que 4 heures, là. La théorie des catastrophes, c'est que quand Gégé baille à Paris, ça pue en Australie. Voilà, lui, il ferait mieux de taper sur son truc et de ne pas nous faire chier. Non, c'était le dernier débat de Gérard, quand même, il faut quand même le signaler. Alors, comme c'est le dernier débat de Gérard, et pipi. Et pipi. Et pipi. Et pipi. Et tchik. Et tchik. Et tchik. Et tchik.